versos olvidados, oublié les hommes de Dieu, los olvidados, non plus l'étoile au fond des yeux, pour tout royaume ils n'ont que le pavé des rues, et leurs fantômes bien avant eux marchaient pieds nus, los olvidados, brûle de fièvre même quand il pleut. Nos soldados ne jouent qu'à des jeux dangereux. Ils ont la rage au fond du cœur, au bout des mains. Ils n'ont plus d'âge, leur nuit n'a pas de lendemain. Nos soldados, petits mendiants de grands chemins. Nos soldados, tendent les bras mais pas la main. Et s'ils vous volent, ils se sont fait voler aussi. C'est dans pour eux, on leur a volé leur vie, volé leur vie. Los olvidados, quand ils fument un peu d'herbe bleue, los olvidados, c'est pour faire croire qu'ils sont heureux. Ils vous méprisent si vous leur caressez la joue, mais ça les grise au point de tomber à genoux. Olvidados, petits pierrots tombés du ciel. Los olvidados, n'ont pour amis que le soleil. Ils vous regardent plus fiers que ne peut l'être un roi. Mais sous leur arde, ils ont un cœur gros comme ça, gros comme ça. Los olvidados, des printemps de fin d'automne, los olvidados, los olvidados, ce sont les enfants de personne, los olvidados, los olvidados, entre les vagues d'un terrain, los olvidados, los olvidados, ça veut bien qu'ils sont nés pour rien, los olvidados. Mais de Dieu, le seul village.